La maison des siècles. 8 heures. Équipé de pied en cap, je suis dans le hall, devant la réception où j'attends Nathalie pour notre rendez-vous sportif. Compte tenu de la météo, d'autant plus froide qu'il n'y a pas un seul nuage, je me suis habillé chaudement et j'ai complété mon équipement par un petit sac à dos thermos comme celui que j'utilise en Afrique pour la brousse. Je suis en pleine discussion avec le concierge sur les mérites comparés du sport et du farniente, lorsque je remarque l'affichette sur le tableau d'information pour le dîner dansant de ce soir. C'est une soirée caritative organisée par le Lions Club. Tout le monde y est convié à une condition, la tenue de soirée est de rigueur. Pas de soucis, de ce côté-là, tout est paré. Une bouffée d'un parfum que je reconnais sans hésiter et une voix juste derrière mon épaule. Tenue de soirée, dommage, j'adore danser. Je me retourne, un magnifique sourire, deux grands yeux bleus encore un peu ensommeillés et un bisou. Bonjour Nathalie. Je ne vous ai même pas entendu arriver. Oui, c'est dommage. J'espère seulement que ce que j'ai prévu ne vous décevra pas. Quel gros mensonge. Mais c'est pour la bonne cause. Bonjour Jean. Je ne suis pas du tout inquiète pour ça. Je suis certaine qu'en votre compagnie, tout sera parfait. Merci. Mais excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Sans plus d'explications, je plante Nathalie devant la réception et m'engouffre dans la cabine téléphonique adjacente. J'ai de la chance. Malgré l'heure matinale, mon interlocuteur décroche immédiatement. Tout est confirmé pour cet après-midi. La brièveté de la conversation me laisse tout de même le temps d'admirer Nathalie bavardant avec le concierge. Cette femme est splendide. Une classe folle, même en tenue de jogging. Il est vrai qu'avec son cycliste noir, son sweater blanc à col roulé, sa doudoune sans manche bleu pastel et son petit bonnet blanc, elle est ravissante. Je raccroche et rejoins Nathalie. « Veuillez m'excuser, un dernier détail à régler. On y va. » Hier soir, j'ai trouvé un prospectus dans la chambre avec la description d'un parcours que j'espère vous conviendra. Ce n'est pas très loin, mais il vaut quand même mieux prendre la voiture pour éviter de marcher sur les bas-côtés de la route qui est assez fréquentée. Mon exposé du programme n'a pas laissé à Nathalie le temps de s'interroger sur la nature du détail qu'il me fallait régler un samedi matin à 8 heures. C'était le but. Je lui propose une barre de céréales. Courir avec le ventre vide, ce n'est pas l'idéal. Elle décline avec un sourire. Non merci, j'en ai déjà mangé 2 en me levant. Je suis paré. On y va quand vous voulez. Dehors, surtout après la chaleur d'un lit douillet, le froid est mordant. Et Nathalie ne s'attarde guère pour rentrer dans la voiture dont je lui tiens à la portière. L'air froid est si sec qu'il n'y a même pas la moindre trace de givre sur le pare-brise. Nous démarrons. Le parking en bordure de forêt n'est pas très loin et le moteur n'a pas le temps de chauffer que nous y sommes déjà. Le temps que je descends du véhicule, Nathalie en est sortie et commence à sauter sur place pour s'échauffer. Je la rejoins et lui indique le chemin de tuffeau qu'il va nous falloir emprunter pour revenir à l'autre bout du parking après une boucle de 6 kilomètres. Elle s'est déjà élancée en petite foulée pour ménager des muscles encore froids. Adoptant la même allure, je me porte à son côté. Elle garde le silence, mais de temps en temps tourne la tête vers moi avec un sourire énigmatique. Il se pourrait bien qu'elle décide d'accélérer sans prévenir et me laisse sur place. Je la surveille donc du coin de l'œil pendant 1 minute ou 2 pour finir par admettre que ce n'était pas son intention. Mais alors pourquoi ce sourire étrange ? Je renonce davantage à me creuser la tête et lui propose d'accélérer et de prendre le premier relais. Le visage empanaché par la condensation de notre respiration, nous courons ainsi quelque temps sur ce chemin qui serpente au milieu d'une forêt dont plus aucun arbre n'a gardé de feuilles. Un silence total nous entoure. La nature est vraiment figée et le seul signe de vie que je perçoive, juste derrière moi, est le crissement des foulées de Nathalie sur le tuffeau gelé de la piste. J'attends 1 kilomètre avant de ralentir et lui demande de faire le lièvre à son tour. Se portant à ma hauteur et juste avant de me dépasser, elle m'interroge. « Faire le lièvre, quelle drôle d'expression, je ne connaissais pas. Et puis je trouve cet animal disgracieux. » Je la laisse me doubler et prendre sa position à 1 mètre devant moi avant de répondre. « Vous avez raison, et je m'en excuse, d'autant que ce que j'aperçois me fait davantage penser à une antilope, sans doute mon côté broussard. » Elle ne répond pas tout de suite, mais je sens un changement dans son rythme et une légère raideur dans ses épaules. Il semblerait qu'il ait ralenti. Nous courons encore une dizaine de mètres et j'en profite pour admirer cette magnifique chute de rein dont les muscles se contractent alternativement à chaque foulée, ses longues jambes et ses mollets galbés. Là, elle stoppe net, se retourne, ses sourcils froncés n'augurent rien de bon. Une antilope, vraiment. Lièvre, antilope, vous avez une âme de chasseur. Elle s'approche, pointe son index qu'elle appuie sur ma poitrine. Serais-je votre proie? Je suis totalement décontenancé, elle en profite. On dit que la proie sent le regard du chasseur précisément au point qu'il vise. Quel point visiez-vous, Jean-Rine? Essoufflé, je bafouille. Je ne visais aucun point en particulier. Son regard s'adoucit. Elle ne peut garder plus longtemps son faux air courroucé. Elle rit. Ah bon, j'aurais juré le contraire. Elle rit encore et me porte le coup de grâce. Je crois que nous devrions rester côte à côte. Même si je n'ai jamais chassé d'antilope ni de cerf d'ailleurs, j'avoue avoir été moi aussi quelque peu distraite lorsque vous étiez devant moi. Je prends sa main dont le doigt est encore appuyé sur ma poitrine. Waouh ! Pressé sur le même thème, je me fais l'effet d'une souris prise entre les griffes d'un impitoyable chat. Son rire fait s'envoler quelques malheureux oiseaux cachés sous les buissons où ils cherchaient un peu de chaleur. Elle m'effleure le bout du nez de la pointe de son index. « Une souris, vous êtes trop drôle. » Je pourrais vous comparer à bien des animaux, mais une souris, là, non, vraiment. Elle embrasse le bout de son doigt, le pose sur mes lèvres. Et si nous repartions avant que l'on retrouve une enveloppe et une souris complètement congelées sur ce chemin perdu? À mon tour de rire à cette évocation, je lui propose un peu d'eau que nous buvons à la pipette de mon sac et nous repartons épaule contre épaule en foulée régulière, parfaitement synchrone. Les kilomètres passent sans que nous échangions autre chose que sourire et regards complices. Moins de 30 minutes plus tard, entre les arbres, nous apercevons le parking toujours désert à part une seule voiture, la nôtre. Nous sommes arrivés et sur un petit banc de bois un peu vermoulu, Nathalie entame une série d'étirements. Je me place à côté d'elle. N'ayant pas une très bonne pratique de ces exercices, je calque mes mouvements sur les siens, ou du moins essaye, car j'ai la nette impression d'être un ver de lampe cherchant à imiter une liane. Vous êtes d'une souplesse impressionnante. Le buste couché sur sa jambe tendue en appui sur le dossier du banc, elle me répond. Sans doute grâce à la danse et au yoga. Et comme j'essaie vainement de l'imiter, la règle est de ne jamais forcer et d'être le plus régulier possible. Puis se remettant sur ses deux pieds, j'ai une faim de loup. Que diriez-vous d'un petit déjeuner américain? Il n'est pas encore 9 heures lorsque nous sommes de retour à l'hôtel. Un bref passage aux toilettes pour nous rafraîchir, et nous entrons dans le salon des petits déjeuners, où le moins que l'on puisse dire est que notre tenue, plus que négligée, n'est pas du goût de tout le monde. Nathalie a bien remarqué certains regards en coin et bouche pincée. Il en faudrait plus pour la démonter. Et sans aucune hésitation, elle m'entraîne à une table près de la baie donnant sur le jardin. Elle jette un regard circulaire sur les quelques tables alentour où les clients semblent ne pas trop apprécier notre compagnie suante et ébouriffée. Il est vrai qu'après avoir ôté nos bonnets, nos coiffures respectives ne sont pas des plus soignées. Nathalie se penche vers moi. Je veux bien croire que tout échevelé et sans maquillage, ma place soit plutôt dans la salle de bain que dans ce somptueux salon. Mais rassurez-moi, je sens si mauvais que ça. Décidément, j'adore cette femme aussi à l'aise en robe de cocktail qu'en cycliste et sweater. Je retiens un fou rire. Échevelée, comme vous dites, sans maquillage et en sueur, vous êtes magnifique et pleine de vie. Je ne pense pas que l'on puisse en dire autant de tous ces braves gens. J'approche mes lèvres de son oreille et en confidence lui souffle. De vous à moi, le facochère n'a jamais apprécié la compagnie de l'antilope. Nathalie, à qui les animaux de l'Afrique ne sont pas familiers, met une seconde avant de saisir le sens de ma boutade. La seconde après, son rire repousse l'espace. Dieu qu'elle est belle en sauvageonne, égarée dans la bonne société. Bonne société dont la mine renfrognée décuple l'hilarité de Nathalie. Je lui sers un verre d'eau, elle boit, se calme. Ses yeux rieurs me détaillent avec une expression admirative. Si je suis un chat qui mange les souris, je suis certaine que vous êtes un cobra dont on ne voit pas venir l'attaque. Rappelez-moi de ne pas vous provoquer. Je prends sa main. Que je sois un cobra ou je ne sais quel reptile, vous savez déjà que vous m'avez charmé et que vous n'avez rien à craindre de moi. à part vous faire croquer, car je suis tellement affamé que je ne réponds plus de rien. » Nathalie se lève, se penche vers moi et me donne un bisou sur le coin des lèvres, ruinant ce qui nous restait de réputation. « Je ne vais pas prendre ce risque. Restez assis, Jean. Je vais nous composer un breakfast qui vous transportera tout droit chez moi, en Floride. » Je la regarde s'éloigner vers le buffet et à cet instant, j'ai la réponse à la question qui m'interpellait lorsque je courais derrière elle. Une main de géant m'empoigne le bas du ventre. Elle ne porte rien sous son cycliste. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué et mon voisin à la table d'à côté, un monsieur d'une cinquantaine d'années, au demeurant très respectable, pique du nez dans son assiette. Foudroyé de regard par sa femme et par le coup de pied dont elle vient de le gratifier sous la table. Nathalie nous a composé un petit déjeuner pantagruélique. Jus de fruits, café, œufs brouillés au bacon, petites saucisses, pancakes, viennoiseries et salade de fruits. Je m'en souviendrai longtemps, et lorsque, repu, nous avalons la dernière bouchée, il est belle lurette que la salle s'est vidée. Le soleil nous réchauffe à travers la baie et je suis certain que nous pourrions rester des heures là, comme ça, face à face, sans rien dire, simplement à faire les lézards, le ventre plein et le cœur en fête. Je prends la main de Nathalie. Que diriez-vous d'une bonne douche et d'un départ pour Fontainebleau vers midi? Je dirais que vous lisez dans mes pensées. Le programme me convient parfaitement. Elle semble cependant hésiter. Je l'interroge. Y aurait-il autre chose? Elle prend un air confus. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous demander cela. Surpris par la gravité du ton, je suis un peu perplexe. À moins que ce ne soit totalement illégal et encore, je ne me vois pas vous refuser quoi que ce soit. Son sourire fera fondre dans la banquise. Vous êtes un amour et un gentleman. En fait, un amour de gentleman. Tant pis, je me lance. Elle prend une profonde inspiration. Vous avez sans doute remarqué que malgré une bonne pratique du français et tous mes efforts, je n'arrive pas à me défaire de mon accent américain et... Je l'interromps. Et n'essayez surtout pas. Cela fait partie de votre charme. J'ai droit à un câlin sur le dos de la main. Merci. Vous êtes gentil, mais tout de même, il y a certains mots que j'ai beaucoup de mal à prononcer. Qu'à cela ne tienne, dites-les en anglais. Je devrais pouvoir comprendre. C'est vrai, vous voulez bien? Aucun problème. Elle a repris un peu d'assurance. En fait, il s'agit surtout de votre prénom, Jean. C'est totalement imprononçable pour moi. Et vous avez dû remarquer que j'hésite de plus en plus souvent à l'employer tant je l'écorche à chaque fois. Ça ne me dérange pas, mais comment souhaiteriez-vous m'appeler? Eh bien, si vous le permettez, je pourrais vous appeler John. Je lui rends son câlin de tout à l'heure. Rien ne me ferait plus plaisir. Dorénavant, je serai John, rien pour vous. Ouf, merci John. Vous ne pouvez savoir quel poids vous m'ôtez. Et se levant brusquement, sans transition, et si nous allions nous préparer? J'ai hâte de visiter cette merveille des merveilles dont on m'a tant parlé. Il est un peu moins de midi lorsque nous nous retrouvons dans le hall, plus présentable que tout à l'heure au petit déjeuner. J'ai eu largement le temps de me doucher, de me changer et même de passer un coup de fil. Nathalie et moi portons exactement la même tenue que lorsque je l'ai retrouvée devant chez elle hier soir. Il est vrai que nos valises ne sont pas extensibles et qu'il nous était difficile d'emporter la totalité de notre garde-robe. Alors que je lui tiens la porte du sas pour sortir sur le parking, je lui propose « Que diriez-vous de faire quelques pas dans Barbizon? Juste un quart d'heure ?» Le temps d'un aller-retour dans la grande rue. Pratiquement chaque maison porte la plaque commémorative du séjour d'un peintre célèbre. Ensuite, nous pourrions prendre la voiture et continuer sur Fontainebleau. J'ai envie de croquer ces deux fossettes. Lorsque souriante, elle me prend le bras et me dit « Allons-y, John, je vous suis. » Je ne sais si j'ai vu grand-chose de la promenade. Le seul souvenir que je garde est celui de Nathalie marchant à mon bras, s'appuyant contre moi sans retenue, de sa main dans la mienne, du frôlement de sa hanche, de son rire et de l'éclat de ses yeux. C'est la deuxième fois qu'elle me prend le bras. La première, c'était rue Donou, un geste spontané et sans signification particulière. Là, aujourd'hui, c'est une façon de me dire toute la tendresse qu'elle ressent et qu'elle veut me faire partager. Nul besoin de parler, son corps et ses yeux me disent « John, je suis bien avec toi. » À cet instant, tout contre toi. Et où que nous soyons, je voudrais que ce moment soit celui dont nous nous souviendrons, quand nous serons très vieux. Elle me regarde, elle sait que je pense la même chose qu'elle, et tout est bien. Nous ne savons pas vraiment comment nous nous retrouvons devant l'hôtellerie. Il serait amusant de nous questionner sur ce que nous venons de voir. Je pense que pas un de nous deux ne serait capable de décrire la moindre maison. Mais était-ce vraiment le but de la promenade? Avant de monter dans la voiture dont je lui tiens la portière, elle me donne un tendre baiser. Son parfum est un souffle de printemps. Le froid n'existe pas, et à bien y réfléchir, la gravité non plus. Le regard que nous jette la jeune réceptionniste qui nous a reçus hier soir et qui nous croise alors qu'elle reprend son service est sans équivoque. Mais pourquoi diable ces deux-là ont-ils pris deux chambres? La route de Barbizon à Fontainebleau n'est pas bien longue. J'en profite pour donner quelques explications à Nathalie. À moins de n'y faire qu'un passage au pas de charge, je pense que pour visiter le château et ses jardins, il nous faudrait deux bonnes journées. Et encore, cela ne sera-t-il sans doute pas suffisant. Or, nous ne disposons que de quelques heures. Je marque une pause, rassemble mes idées. Le château de Fontainebleau est un des rares châteaux de France à avoir toujours été entièrement meublé, car autrefois, lorsqu'ils voyageaient, les rois se déplaçaient avec leurs meubles. Pour les extérieurs, qu'il vaut mieux visiter au printemps et en été, je crois me souvenir que l'on y trouve 5 cours, un parc et 3 jardins sur plus de 100 hectares. Tout en conduisant, je continue la description du château et Nathalie m'écoute attentivement les yeux ronds. Ce disant, nous entrons dans la ville et nous engageons dans la rue royale qui mène place du Général de Gaulle où nous stoppons. En cette saison, aucun problème pour se garer. Les touristes ne sont guère légion. Je descends de la voiture et viens ouvrir la portière de Nathalie qui me regarde bizarrement, un peu comme si elle me voyait pour la première fois. « Vous avez tout appris par cœur avant de venir ?» Je lui souris et la prenant par le bras l'entraîne par la rue d'Encourt vers l'entrée du jardin de Diane. « Non, juste un peu révisé. Mais je dois avouer que, m'intéressant beaucoup à l'histoire, j'ai lu énormément sur ce château qui a vu passer la quasi-totalité des rois et empereurs de France. » De Philippe Ier en 1068 à Napoléon III en 1870. Les châteaux de France ont une histoire, mais Fontainebleau, c'est l'histoire. Napoléon l'appelait la maison des siècles. Nous arrivons dans la cour des adieux face à l'aile de l'escalier du fer à cheval. Tout en admirant la perspective, Nathalie me dit « Vous êtes mon guide préféré. Il y a tant de passion dans tout ce que vous racontez. Si seulement mes compatriotes pouvaient avoir le centième de votre intérêt pour l'histoire. » J'en connais personnellement qui sont des puits de science bardés de diplômes, mais qui, à part quelques grandes lignes, n'ont qu'un vernis, et encore bien fragiles, sur l'histoire de leur propre pays. Je lui fais face, lui prends les deux mains. Il y en a peut-être plus que vous ne le croyez. Ce sont des mécènes américains qui, au début des années 20, créent la fondation qui gère encore aujourd'hui le conservatoire et l'école des beaux-arts américains de Fontainebleau. Ces deux institutions sont installées depuis lors au château et organisent chaque année de nombreux concerts et expositions. C'est à la même époque que l'aile de la belle cheminée incendiée en 1856 est reconstruite grâce au fonds Rockefeller. On ne peut donc pas dire que l'Amérique ne s'intéresse pas à l'art et à l'histoire. Ce château lui doit beaucoup. Nathalie regarde le splendide bâtiment, me regarde. Cela me fait chaud au corps. Mais cela ne change pas le fait qu'alors que la plupart des Français ont au moins un vernis historique, trop d'Américains se désintéressent de leur propre histoire, et ça me rend triste. Je lui fais un bisou sur chaque main. Je ne veux pas vous voir triste, Nathalie. Les Américains ont d'autres qualités que les Français n'ont pas. Alexis de Tocqueville, qui vous connaissait bien, disait, parlant de vous, « Chaque peuple a son génie. L'Amérique a celui de la vie. » Venez, continuons. Pour cet après-midi, nous allons nous limiter à l'aile de l'escalier du fer à cheval, et je ne suis pas sûr que nous aurons assez de temps. Je crois que ma référence à Tocqueville, s'il n'a pas réconcilié Nathalie avec la culture de ses compatriotes, lui a au moins redonné le sourire. Les heures vont défiler, et avec elles, les merveilles de cette aile du château. La chapelle de la Trinité, où Nathalie reste en admiration devant la magie du plafond et de l'orgue, vieux de plus de 2 siècles, qu'un maître organiste est en train d'accorder à l'instant où nous y passons. Du vestibule du fer à cheval à la galerie des Fastes, en passant par les appartements des reines, le salon de réception, la chambre du pape et les diverses autres pièces tout aussi richement meublées, elle n'a pas ses yeux pour regarder et d'oreilles pour écouter les explications que je m'évertue à lui donner sans autre guide que ma mémoire. L'après-midi est bien avancé et nous en avons terminé avec cette partie du château. Je propose à Nathalie de rentrer. Jusqu'à la voiture, elle semble perdue dans ses pensées. Nous nous installons, elle attache sa ceinture, se ravise, la déboucle, se tourne vers moi, et les yeux brillants d'émotion posent ses mains sur mes épaules. Comme beaucoup d'Américains dont je partage certains défauts, je suis croyante. Et j'étais en train de remercier le Seigneur de vous avoir mis sur ma route. Je viens de passer des heures dont je n'hésite pas à dire qu'elles sont parmi les plus belles de ma vie. À regarder ces merveilles, à vous écouter, je n'étais plus là. Il me semblait que tous les personnages que vous évoquiez nous frôlaient et que j'aurais pu les toucher. Vous êtes un magicien, John, un homme brillant. Brillant, modeste et de surcroît, très beau garçon. Je vous en supplie, embrassez-moi avant que mon cœur ne s'arrête. Son visage est tendu vers moi, ses lèvres offertes. Elle me regarde comme si elle voulait graver chacun de mes traits dans sa mémoire. Ma main sur sa taille, je l'attire doucement et lorsque je prends sa bouche, elle se serre encore davantage contre moi. La pulpe de ses lèvres s'ouvre et elle s'abandonne à un baiser passionné. L'instant dure et dure encore. Mais au moment où je crois l'entendre gémir, elle se détache de moi, les joues en feu. Je l'entends à peine murmurer. Je pense qu'il serait plus sage que nous rentrions. Je prends sa main gauche, celle du cœur, dépose un baiser léger dans sa paume et doucement referme ses doigts pour emprisonner cette marque de tendresse. Je démarre. Nous n'allons rien dire pendant le trajet du retour. Sa main gauche est posée sur mon genou. Il est des instants comme celui-là où parler ne ferait qu'abîmer le silence. À la réception, le concierge nous reconnaît et, comme s'il était heureux de nous revoir, nous tend nos clés sans un mot en inclinant la tête avec un large sourire. Devant la porte de sa chambre, je regarde ma montre. Il est juste un peu plus de 13 heures. Cela nous laisse largement le temps de nous reposer. Si vous le voulez bien, on se retrouve au bar à 20 heures. Elle me prend la main, me donne un petit bisou tendre. « See you soon, Dan. » Auquel je réponds « See you soon, Dan. » Avec un épouvantable accent français, juste avant que sa porte ne se referme sur son sourire. À peine dans ma chambre, j'enlève déjà mes chaussures. Je prends tout de même le temps de suspendre mon blouson dans la penderie et règle l'alarme de ma montre sur 18h30. Ceci fait, je m'écoute sur mon lit et m'endors quasi instantanément. Je suis en train de couvrir de baisers la gorge d'une princesse en perruque poudrée du 18e. Elle a le visage de Nathalie. Mais mon rêve est interrompu par une sonnerie, celle de ma montre qui me ramène sur terre. En une seconde, je suis sur mes deux pieds. S'ils sont à l'heure, il me reste à peine une demi-heure pour prendre une douche. 19h précise, je viens juste de passer un t-shirt immaculé lorsque j'entends 3 coups discrets frapper à la porte de ma chambre. Pile à l'heure, j'enfile un peignoir éponge et j'ouvre. 2 messieurs tirés à 4 épingles, avenants, mais sérieux comme des majordomes, se présentent poussant un portant où est suspendu une demi-douzaine de smokings. « Monsieur Rine, bonsoir. Maison Madaignan. Votre commande, monsieur. » Je m'écarte pour les laisser entrer, et en professionnel, pour qui ses clients n'ont pas de temps à perdre, le plus âgé des deux prend les choses en main. 3 modèles dans 2 tailles différentes. Comme vous l'avez demandé, nos collègues féminines présentent un assortiment de robes pour madame dans la chambre à côté, avec les chaussures et les pochettes assorties aux robes. Pour vous, nous avons sélectionné quelques chemises et 3 paires de Weston noirs. Pouvons-nous commencer, monsieur ? Bizarrement, bien qu'en 2 tailles différentes, les 6 smokings me vont à la perfection, ce qui ne facilite pas mon choix, d'autant que dans le même instant, j'imagine Nathalie confrontée au même dilemme. Je fais l'effort de chasser cette vision, car l'évoquer en petite tenue me trouble quelque peu l'esprit. Elle a déjà dû lire le petit mot laissé ce matin par mes soins à la réception. Le brave concierge avait souri d'un air complice lorsque j'avais réitéré ma recommandation. Surtout, n'oubliez pas de le donner au personnel de chez Madaignan, dès qu'ils se présenteront. Ils savent qu'ils doivent le remettre à Madame Lorlaine à l'instant même où elle leur ouvrira sa porte, mais je préfère que vous vous assuriez qu'il n'y ait pas de raté. C'est très important. Nathalie doit être en plein essayage. Est-elle heureuse ou simplement contente, agacée ou contrariée, peut-être fâchée? Je ne sais plus quoi penser. La voix impersonnelle du chef habilleur me ramène au choix d'une papillon et des chaussures. Surprise, elles sont très souples, et s'il était destiné à me chausser, je dirais que ce sont des véritables gants. J'en fais la remarque au majordome. Vous verrez, monsieur, elles sont parfaites pour danser, mais je vous en déconseillerai tout autre usage. Elle n'y résisterait pas. Voilà, c'est terminé. Je suis entièrement équipé, et le miroir me renvoie l'image d'un homme que je ne soupçonnais pas pouvoir être. Dernière recommandation du chef habilleur me rappelant les termes du contrat de location, à savoir que les vêtements devront être laissés dans les penderies des chambres, dans les housses qu'il y dispose. Le personnel de l'hôtel les appellera aussitôt après notre départ pour qu'ils soient récupérés. La restitution de mon chèque de caution interviendra dès le lendemain. Gardez le chèque à votre magasin, je passerai le prendre moi-même. Bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Nous espérons que vous serez satisfait, ainsi que madame. Il est maintenant plus de 5 minutes qu'ils sont partis et je n'ai toujours pas bougé du lit où je me suis assis. La tête complètement vide, je fixe la pointe de mes chaussures. Je devrais être le plus heureux des hommes. Au lieu de cela, l'angoisse que je tente de refouler est prête à me submerger. Je suis certain d'avoir tout fait dans les règles pour faire honneur à Nathalie et lui faire plaisir. Mais le doute me ronge et je tremble de l'attendre vainement au bar ce soir. Elle m'a pourtant montré à plusieurs reprises, et en particulier cet après-midi, qu'elle avait plus que de l'attirance pour moi. En revivant ce baiser et ce regard si tendre, je parviens à reprendre l'assurance nécessaire pour finir de me préparer. Un dernier coup d'œil dans le miroir de la salle de bain, et je me retrouve dans l'ascenseur consultant ma montre pour m'assurer que je ne suis pas en retard. Le hall est assez animé. Messieurs en smoking et dames en robe du soir se croisent ou bavardent par petits groupes, attendant manifestement que les portes de la grande salle soient ouvertes. Je franchis le seuil du bar inquiet d'y avoir été précédé. Il n'en est rien. Par contre, la table où nous étions hier soir et pratiquement toutes les autres sont déjà prises. Le barman occupé à essuyer une flûte de champagne m'a reconnu. Il me fait un petit signe de tête pour m'indiquer une table libre près de l'entrée, mais dans la même seconde, ses yeux fixent un point derrière moi et son visage prend une expression hébétée. Alentour, les gens s'arrêtent de parler et tout comme le barman semble hypnotisé par le même point derrière mon dos. Je pivote sur mes talons et Nathalie est là, devant moi. À la seconde, je sais qu'elle n'est ni agacée, ni contrariée et encore moins fâchée. Par-dessus un sourire très doux et deux adorables fossettes, deux yeux bleus pleins de tendresse me fixent avec la même intensité que lorsqu'elle m'embrassait tout à l'heure à Fontainebleau. Dans ce regard magique, il y a aussi comme une interrogation. « Et choisis la bonne robe, suis-je aussi belle que tu l'espérais ?» Il est impossible d'arrêter le temps, et pourtant, à certains moments, que l'on ne peut pas plus prévoir que maîtriser, le temps s'arrête. La robe choisie par Nathalie est une splendeur. Un fourreau de satin blanc fondu à mi-cuisse au bustier à large bretelle. Le décolleté en V profond sert de berceau à de magnifiques seins qui l'offrent davantage qu'il ne les dissimule. Je ne sais comment on peut faire les habilleuses, mais la robe est tout simplement cousue sur elle. À son bras, une étole blanche, lamée d'or. Dans sa main, une pochette assortie à la robe et aux escarpins. Sa chevelure blonde, comme une crinière d'or, retombe en cascade sur ses épaules. La même divinité qui avait appuyé sur pause vient d'appuyer sur start. Nathalie continue d'avancer vers moi et moi vers elle. Tous les deux pas, le tissu s'écarte, dévoilant une jambe faite autour. Elle ne porte pas de bas. Mais porte-t-elle autre chose que cette robe? Le bourdonnement des conversations reprend et le barman se remet à stiquer la malheureuse flûte. De toute façon, rien de ce qui se passe autour de nous n'a la moindre importance. Lorsque je prends la main de Nathalie pour la porter à mes lèvres, ses yeux sont toujours rivés aux miens. Je sens une onde de douce chaleur parcourir mon corps. Je voudrais lui rendre sa main, mais elle m'attire vers elle, approche son visage du mien et murmure à mon oreille « Merci pour votre folie, John. Je suis prêt à parier qu'un sorcier africain vous a transmis ses pouvoirs. Si je venais à fermer les yeux, je ne serais pas surprise en les rouvrant de me retrouver sous les étoiles au milieu de la savane. Vous êtes magique, John. » Puis se reculant légèrement pour m'admirer, et très élégant.